Le général Fontana est parvenu à la citadelle grâce à la duchesse, qui a persuadé le prince de sauver Fabrice en échange d'une nuit avec elle. Jurez, madame, que si Fabrice vous est rendu sain et sauf, j'obtiendrai de vous, d'ici à 3 mois, tout ce que mon amour peut désirer de plus heureux. Vous assurerez le bonheur de ma vie en mettant à ma disposition 1 heure de la vôtre, et vous serez tout à moi. Celle-ci, une fois Fabrice sauvée, croyait n'aimer plus Fabrice d'amour, mais elle désirait encore passionnément le mariage de Clélia avec le marquis. Il est vrai que Fabrice, une fois acquitté et nommé coadjuteur de l'archevêque, s'empresse de louer une chambre en face de la maison où s'est réfugiée Clélia et, vêtu de noir, mais comme un ouvrier fort pauvre, tente de voir celle qu'il aime. Déguisé, Fabrice parvient à voir Clélia qui prend la fuite, se cache au fond du salon et lui déclare qu'elle consent à l'entendre, considérant qu'elle a fait vœu à Madone de ne pas voir Fabrice. Celui-ci, au comble du bonheur, éteint l'unique bougie éclairant la pièce, la prend dans ses bras et lui raconte tout ce qu'elle ne sait pas sur ses aventures. Après cette soirée pleine de bonheur, le mariage entre Clélia et le marquis Crescenzi est décidé, ce qui plonge Fabrice dans un sombre désespoir que les parmesans prennent pour de la piété. Le comte Mosca, en voyant le jeune homme, se trouve alors tout à fait guéri de sa jalousie et propose ses services à Fabrice, que rien ne peut cependant consoler. À l'anniversaire de la princesse de Parme, il rencontre Clélia et pendant la partie de whist avec le prince, laisse échapper ses sentiments. Quel n'était pas mon bonheur quand le vulgaire me croyait malheureux, et maintenant que mon sort est changé. Clélia lui donne son éventail en gage de son amitié, ce qui provoque la détresse de la duchesse, cependant tempérée par la demande en mariage que lui fait le comte Mosca. Le jeune prince de Parme rappelle sa promesse à la duchesse qui vient prendre congé. « Vous partez, vous allez me trahir et manquer à vos serments. » lui dit-il, lançant une interminable discussion où il ne cesse de lui rappeler sa promesse. Enfin, la duchesse accepte et accorde au prince 33 minutes, après lesquelles elle écrit au comte Mosca « Le sacrifice est fait ». 8 jours plus tard, est célébré son mariage avec le comte à Pérouse, la duchesse ayant fait vœu de ne plus reparaître à Parme de sa vie. Pendant ce temps, Fabrice est désespéré, car Clélia vit recluse dans son palais, refusant de le recevoir. Afin de se distraire, et éventuellement d'émouvoir Clélia, il se décide à prêcher dans les églises des sermons où il se livre à des moments d'inspiration passionnée. Malgré plusieurs sermons, prononcés dans la petite église voisine du palais Crescenzi, Clélia ne se montre pas.